بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons commencer donc aujourd'hui le sixième et dernier cours, inshallah ta'ala, dans l'explication de sourate An-Naba. Puis, la semaine prochaine, inshallah, nous allons continuer l'explication, donc l'exégèse de ce même juz, le 30e juz du Coran, bi'idnillahi ta'ala. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le retard. Fara'ayna fi d-dars al-madi juz'an mimma a'addahu Allah lil kafirin. Wa anna Allah lam yadhlimhum bal bayyana as-sababa alladhi min ajlihi istahaqqu hadhihi al-'uquba. Nous avons vu lors du cours précédent, hier, certains des éléments que Allah a préparés pour les incroyants comme châtiment. Et que Allah ne leur a pas fait injustice en cela. Mais il a montré les causes, il a expliqué les causes qui ont fait que ceux-ci ont mérité ce châtiment. فذكر الله بعد ذلك حال المتقين وما أعده لهم في الآخرة. Et donc Allah, après cela, il a cité la situation des pieux et ce qu'il a préparé pour eux dans l'au-delà. Il dit إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Certes, il y a pour les pieux une réussite, des jardins et des vignes, ainsi que de belles femmes de même âge et des coupes pleines. Ils n'entendront pas, ils n'y entendront pas, ou alors ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Et ceci en rétribution venant de ton Seigneur de plein droit. Rétribution venant de ton Seigneur, et cela de plein droit. Inna lil muttaqina mafaza. Certes, il y a une réussite pour les pieux. Al muttaqun alladhina taqaw ghadab Allah wa 'adhabahu famtathalu amrahu wajtanabu nahyahu. Et donc les pieux, les muttaqoun, ce qui est voulu ici, ce sont ceux qui ont craint la colère d'Allah et son châtiment. Ils ont donc obéi à ses ordres et délaissé ses interdits. فَهَؤُلَاءَ الَّذِينَ اتَّصَفُوا بِهَذَا الْوَصْفُ لَهُمْ مَفَازٌ أَيْ نَجَاتٌ مِنَ النَّارِ وَبُعْدٌ مِنْهَا. Et donc ces gens qui ont ces caractéristiques, qui ont obéi aux ordres d'Allah et délaissé ses interdits, ils vont bénéficier de cette réussite. C'est-à-dire le fait qu'ils soient sauvés de l'enfer et qu'ils soient éloignés du feu. حدائق وأعناب, des jardins et des vignes. فهذا أو في هذا المفاز بساتين متنوعة الأشجار والفواكه من نخيل وعنب وعنب وغير ذلك مما تشتهيه النفوس. Et donc il y a dans cette réussite qu'Allah accorde aux pieux des jardins contenant des arbres et des fruits de tout type, parmi les palmiers, les vignes et autres que les âmes désirent et aiment. وذكر ابن سعدي رحمه الله أن الله خص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. Et le Cheikh Saadi rahimahullah, il a cité que Allah a cité de façon spécifique les raisins, et cela dû à leur qualité et au grand nombre de raisins qu'il y a dans ses jardins. وكواعب أترابا. Ainsi que des belles femmes du même âge. الكواعب هي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن. Et donc le mot kawa'ib, donc que j'ai traduit ici par des belles femmes, ce sont donc des jeunes femmes dont leurs poitrines sont restées fermes. Et ça, dû à leur jeunesse et leur force, leur santé. Wal-atrab, allati ala sinnun wahid. Et donc le mot al-atrab, donc ce qui est voulu par là, ce sont des femmes qui ont le même âge. Donc dans la traduction, donc les belles femmes d'un même âge. Le très savant Sa'di, rahimahullah, il dit dans son tafsir, ومن العادة أو ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات وذلك السن الذي هو فيه الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب انتهى. Et donc il dit Saadi rahimahullah, et en général, les etrab, donc les femmes qu'on appelle etrab, les femmes de ce même âge, elles sont attachantes et faciles à vivre, c'est-à-dire dans le vivre ensemble, vivre en communauté, vivre ensemble. Elles sont attachantes et ne sont pas difficiles. Ça nous rappelle justement les appels ou les messages que je reçois actuellement pendant cette période de confinement de nos frères et sœurs qui ont de plus en plus de problèmes de couple par rapport au confinement. Et à certains donc, qui n'arrivent pas à se retenir de prononcer le divorce et qui ensuite vont regretter par la suite. Et donc nous devons faire attention, craignez Allah tabaraka wa ta'ala concernant nos épouses, nos enfants. Faites très très attention les frères, les sœurs. Ne vous précipitez pas. Apprenez à patienter les uns sur les autres. Et sachez que dans tous les cas, nous avons tous des défauts. Aucun d'entre nous n'est parfait. Alors chacun patiente sur les défauts de l'autre et essaie de corriger ses propres défauts et de conseiller l'autre pour qu'il corrige les siens. Ensuite, je ferme cette parenthèse. Et il continue, Cheikh Saadi, il dit, et cet âge qu'elles ont, puisqu'elles ont toutes le même âge, cet âge qu'elles ont, c'est 33 ans. Et c'est ce qu'il y a de mieux dans la jeunesse. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit, وَكَأْسَنْ دِهَاكَ, et des coupes pleines, aïe, même lou'atun, min rahiqin, zi lezzatin yata'na'amu bihi ahlul jannah. Et donc, des coupes qui sont pleines d'un nectar, qui sont pleines d'un nectar, délicieux dont vont bénéficier les gens du paradis. Et certains savants, ils disent que ce nectar, donc, c'est de l'alcool, puisque les gens du paradis, ils auront donc aussi de l'alcool, mais de l'alcool qui n'est pas enivrant et qui ne cause pas de tort au corps, contrairement à l'alcool que nous avons ici-bas. « La yasma'ouna fiha laghwan wala kidhaba » Ils n'y entendront ni futilité et ni mensonge. « Fa ahlul jannah » La yasma'ouna al-kalam alladhi la yustafadu min wa kadhalika la yasma'ouna fiha ma fihi ithmun kattakzib bil haqqi wal kadhib. Et donc les gens du paradis, ils n'y entendront pas les paroles qui ne sont pas profitables, des pertes de temps, comme on a beaucoup ici. Et donc, les gens du paradis n'entendront pas de paroles futiles qui ne sont pas profitables. Et ils n'entendront pas non plus de paroles qui contiennent des péchés, tels que le mensonge ou le fait de rejeter la vérité, de traiter la vérité de mensonge. Et cela me rappelle une parole de l'ulama, Cheikh Abdullah al-Bukhari, qui répétait cela souvent. Hafidahullah, que à force d'aborder des sujets futiles, des sujets qui n'ont pas d'utilité, à force de cela, les gens tombent dans le péché. Et donc ils commencent par des sujets qui sont futiles pour ensuite tomber dans le péché. Parler sur un tel, critiquer un tel injustement ou autre. Et donc, les gens du paradis n'entendront pas ces paroles futiles, ni des paroles qui contiennent des péchés. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. Une rétribution venant de ton Seigneur. Et cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur accordera de plein droit. Fajazahumullah. Et donc Allah, il les a rétribués en fonction de leurs œuvres. Et donc les gens du paradis, ils ont mérité, les gens de l'enfer, excusez-moi, ils ont mérité ce châtiment qu'ils ont eu et qu'on a vu dans les cours précédents à cause de leurs œuvres et de leurs actes qu'ils ont accomplis. De la même façon, les gens du paradis, Allah leur a accordé ce qu'il leur a accordé par la cause de leurs œuvres et des actes qu'ils ont accomplis. Alors regarde-toi, ô serviteur d'Allah, regarde tes actes et tes œuvres. Est-ce que ce sont des œuvres qui font partie des causes d'entrée au paradis ou alors des œuvres qui font partie des causes d'entrée en enfer? Regarde. Et fais attention à cela. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit « Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lah » « La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba » Le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qu'ils contiennent. Ar-Rahman, ils n'ont pas la permission. venant de lui, leur permettant de parler. Le jour durant lequel se dressera Ar-Ruh, l'esprit, ainsi que les anges, ils se dresseront en rang, ne pourront parler que ceux à qui Allah a donné la permission, à qui le Ar-Rahman a donné la permission, et qu'ils disent la vérité. Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux et tout ce qu'il y a entre les deux. Fa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi wa ma fihinna min makhluqat wa ma baynahuma min sahabin wa ghayrihi wa huwa alladhi yudabbiru dhalika kullahu. Et donc c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux comme créature parmi les nuages ou autres. Et c'est lui qui gère tout cela. Subhana. Ar-Rahman, dhu rahmatil wasi'a, allati wasi'at kulla shay. Le nom Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah, qui signifie que c'est lui qui possède la miséricorde vaste, qui englobe toute chose. Chaque fois que tu respires, cela fait partie de la miséricorde d'Allah. Chaque chose que tu manges, chaque seconde que tu vis, fait partie de la miséricorde d'Allah Ta'ala sur toi. La yamlikuna minhu khitaba. Ils ne détiennent pas la possibilité de parler. Fi hadha al-yawm, ayyam al-qiyamah, la yastati'u ahadun an yatakallama illa bi shartayn. Durant ce jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, personne n'aura la possibilité de parler sauf sous deux conditions que Allah a expliquées dans le verset qui suit. Et c'est lorsqu'il dit يَوْمَ يَكُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Le jour durant lequel vont se dresser Ar-Ruh, l'esprit, et les anges, ils vont se dresser en rang. Durant ce jour, ne pourront parler que ceux à qui Allah a donné la permission, que ceux à qui Ar-Rahman a donné la permission, et qu'ils disent la vérité. L'esprit ici, c'est Jibril. Donc ce qui est voulu ici par Ar-Ruh, c'est Jibril, qui a été distingué des autres anges. فَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et donc, durant ce jour, personne ne pourra parler, sauf si Allah lui donne la permission, premièrement, et deuxièmement, que ce qu'ils disent soit véridique, soit correct. Et ensuite, Allah a fini cette sourate en disant « Dhalika al-yawmul haqq » فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Ceci est le jour véridique. Alors celui qui désire qu'il se retourne vers son Seigneur. Certes, nous vous avons mis en garde, nous vous avons averti d'un châtiment proche. Le jour durant lequel l'individu va regarder ce qu'il a avancé, et l'incroyant dira « Oh, si seulement j'étais de la terre !» Le jour où l'incroyant dira aussi seulement, j'étais de la terre. Ceci est le jour véridique. Le jour de vérité. Aïe, annahu al-yawm al-ka'in la mahala. واليوم الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب وأيضا في هذا اليوم يقوم العدل وليس فيه ظلم. Et donc ce jour véridique et de vérité, c'est-à-dire ce jour qui va arriver sans aucun doute, ce jour va se produire de façon inévitable. Le jour durant lequel le faux et le mensonge ne seront pas profitables. Il ne sera pas profitable de mentir ce jour-là. Et aussi, durant ce jour, le jour de vérité, sera appliquée la justice. Il n'y aura pas d'injustice durant ce jour. Et ça, c'est très important. Puisque nous avons quelques groupes, par exemple les témoins de Jéhovah, qui vont taxer ce jour d'injustice. Le jour durant lequel Allah Ta'ala va faire rentrer les incroyants dans le feu. Voilà pourquoi parmi leurs croyances, le fait de rejeter le châtiment de l'enfer. Parce que pour eux, c'est une injustice. C'est une injustice pour eux. Pourquoi est-ce que la personne l'a fait brûler, etc. Parce que eux, donc, ils vont voir que les incroyants, ainsi que le diable, le shaitan, leur sanction finale est d'être détruits. Tout simplement. Ils n'ont pas de vie. Tout jamais. Voilà la sanction du diable et des incroyants. Selon donc les témoins de Jéhovah. Et on va aborder ce sujet dans quelques instants, Inch'Allah Ta'ala. Et donc Allah le Très-Haut, qui dit, « فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا » Alors celui qui veut, qu'il emprunte une voie pour retourner vers son Seigneur. « فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا » وَلْيَسْلُكْ اَتْتَرِيقَ الْمَرْدِي مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Et donc celui qui désire, celui qui le veut, qu'il accomplisse de bonnes actions. Et qu'il emprunte la voie agréée par le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. Et donc si tu veux, aujourd'hui profite que tu es encore vivant. Tu veux retourner vers ton Seigneur. Tu veux te repentir, délaisser les péchés, délaisser les turpitudes. Profite pendant que Allah Ta'ala t'a encore accordé la vie. Et retourne vers ton Seigneur, obéissant, repentant. Et ça, c'est comme la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Et dit, certes, la vérité vient de votre Seigneur. Alors celui qui veut, qu'il croit. Et celui qui veut, qu'il mécroit. Certes, nous avons préparé pour les incroyants un feu dont les flammes les cernent. فَاللَّهُ أَعْطَانَا الْمَشِيئَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُرُدِيَ رَبَّكَ فَسْعَ إِلَى ذَلِكَ. Et donc Allah nous a accordé la volonté. Ce qu'on peut traduire aussi par le libre arbitre. La volonté, ce qui te permet de choisir ce que tu fais. Si tu désires donc accomplir ce qui va entraîner l'agrément de ton Seigneur, alors efforce-toi de le faire. Efforce-toi de le faire, fais-le. ولكن هذه المشيئة لا تدل على أنك حر لا تحاسب إن خالفت أمر ربك. Cependant, cette volonté que ton Seigneur t'a accordée, ce libre arbitre, cela ne veut pas dire que tu es libre et que tu ne seras pas jugé en fonction de ce que tu as fait et rétribué en fonction de tes actes. Et d'ailleurs, dans Sourate An-Naba, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit après, il dit « Inna anzarnakum azaban qariba ». Certes, nous vous avons mis en garde et nous vous avons averti contre un châtiment proche. فَحَذَّرَنَا رَبُّنَا مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ وَمِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ هَذَا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Et donc notre Seigneur, il nous a avertis et mis en garde contre un lourd châtiment et contre les actes qui sont les causes menant à ce châtiment douloureux. وهذا العذاب وصفه الله بأنه قريب وهذا يؤكد وقوعه وأيضا هو قريب لأنه ليس بينه وبين الإنسان إلا الموت والإنسان لا يدري متى يموت فاستغلوا هذه الفرصة ما دمتم أحياء أكثروا من الأعمال الصالحة المرضية لرب العالمين. Et donc Allah, il a caractérisé ce châtiment comme étant proche. Et cela va appuyer, va confirmer le fait que ce châtiment va arriver. Et aussi, ce châtiment est proche parce qu'il n'y a pas, il n'y a entre lui et l'être humain que la mort. Il n'y a entre l'être humain et ce châtiment que la mort. Et certes, l'être humain ne sait pas quand il va mourir. Il ne sait pas quand il va mourir, donc ce châtiment est proche. Alors saisissez cette occasion, tant que vous êtes encore vivant. Augmentez le nombre de bonnes actions, le nombre d'actions agréées par le Seigneur de l'univers. Profitez. Nous devons donc saisir cette occasion aux serviteurs d'Allah. Si tout cela ne nous touche pas, si tout ce qui se passe autour de toi ne te touche pas dans ton cœur, alors crains. Crains concernant ton cœur qu'il soit mort. Qu'il soit mort. Nous devons nous réveiller, enlever cette dureté mal placée que nous avons, cette fainéantise quant au fait de ne pas augmenter le nombre de bonnes actions, le fait de perdre du temps dans des actes futiles. Profite pendant que tu es encore vivant. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas cette occasion. Toi, tu l'as, saisis-la. Allah Ta'ala qui dit يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Le jour où l'individu regardera ce qu'il a avancé. هَذَا هُوَ الَّذِي سَيَهُمُّهُ هَلْ قَامَ بِالْأَعْمَلِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا لِنَجَاتِهِ مِنَ النَّارِ. C'est ça qui va lui importer. C'est ça qui sera important pour lui durant ce jour. De savoir, est-ce qu'il a accompli des actions qui vont le sauver de l'enfer ou pas. Aujourd'hui, l'être humain, ce qui lui importe, c'est la dunya, l'argent, les femmes, les voitures, salaire du Luxembourg ou autre. Là-bas, non. Ce qui lui importe, ce sera qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a avancé comme bonne action? Est-ce qu'il sera sauvé du feu ou pas? Falina nasta'id. Alors nous devons nous préparer aux serviteurs d'Allah. Allah Ta'ala qui dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, ittaqullaha, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad, wattaqullaha, innallaha khabirun bima ta'malun. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun regarde ce qu'il a préparé pour demain. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Amma al-kafir, idha ayana hadha al-adhab, qala ya laytani kuntu turaba. En ce qui concerne l'incroyant, lorsqu'il verra ce châtiment, il dira si seulement je fus de la terre. Wala yanfa'u hadha at-tamanni. Et ce désir, cette envie qu'il a, cet espoir, ne lui sera d'aucune utilité. Et les savants, ils ont cité plusieurs possibilités de comprendre ce verset. Ya laytani kuntu turaba. Si seulement je fus de la terre, si seulement j'étais de la terre. Et c'est avec ça qu'on va conclure, inshallah ta'ala. Ya laytani, donc premièrement, ya laytani kuntu turaba. Ay lam ukhlaq insanan wa kuntu turaban faqat. Si seulement j'étais de la terre, c'est-à-dire si seulement je n'ai pas été créé, à la base, je n'avais même pas été créé, mais que j'étais juste de la terre. Parce que l'être humain a été créé à partir de la terre. Et donc si seulement je n'étais que de la terre, que je n'avais pas été créé, que je n'avais pas été façonné en tant qu'être humain, il espère ne pas avoir été créé. Ne pas avoir profité de l'argent, profité de la viande, profité des délices de ce bas monde. Non, il espère ne pas avoir été créé. الثاني يا ليتني كنت ترابا اي لم ابعث بعد الموت فاكون ترابا في القبر. La deuxième interprétation, c'est-à-dire si seulement j'étais de la terre, c'est-à-dire si seulement je n'avais pas été ressuscité après la mort. Donc j'ai été créé la première fois en tant qu'homme, mais si seulement je n'avais pas été ressuscité après la mort et que j'étais de la terre dans une tombe. Si seulement j'étais juste de la terre dans une tombe. Il espérera être de la terre dans une tombe, tellement il verra le châtiment douloureux. والثالث, le troisième. أن الإنسان يرى أن الله قضى بين البهائم فتصير ترابا فيتمنى أن يكون مثلهن يصير إلى التراب بعد حسابه. Et donc le troisième, c'est que l'homme, lorsqu'il verra que Allah va juger d'entre les animaux, les animaux. Allah va juger d'entre les animaux aussi et que les animaux seront changés en terre après cela. Alors, il verra cela et espérera être comme les animaux. Après son jugement, être changé en terre. Comme les témoins de Jéhovah nous disent que la personne, elle est détruite définitivement. C'est fini. إذن سويتم بين البهائم التي لم تشرك بالله وبين الشيطان الذي أضل العباد. Et donc, vous avez accordé le même traitement aux animaux qui n'ont pas fait de polythéisme. Qui n'ont pas fait de polythéisme, qui n'ont pas accordé d'associer à Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas adoré autre qu'Allah, les animaux. Qu'est-ce que les animaux ont fait? Et donc, vous leur avez accordé le même traitement que le diable qui a égaré les serviteurs. Le même traitement que les polythéistes. Tout semblable. Et ça, c'est de l'injustice. فَإِنَّكُمْ وَصَفْتُمُ اللَّهَ بِالظُّلْمِ. Vous avez donc caractérisé Allah par l'injustice. Et donc Allah Ta'ala, en ce jour, appliquera la justice. Chacun sera rétribué en fonction de ses actes, en fonction de ce qu'il a mérité. Et pour finir, قيل إن هذا الكافر الذي يقول يا ليتني كنت ترابا هو إبليس. Et il fut dit que cet incroyant, celui qui dit si seulement j'étais de la terre, c'est Iblis, le diable. Il fut dit que c'est lui qui dit ça. Pourquoi? لأنه عاب على آدم كونه خلق من تراب وتفخر بأنه خلق من نار، فلما رأى العذاب وما أعده الله للمتعين من آدم وذريته قال يا ليتني كنت ترابا. Et donc parce qu'Iblis, il a blâmé Adam, le fait qu'il fût créé de terre. Et il s'est vanté du fait que lui, il fut créé de feu. Mais lorsqu'il a vu le châtiment, et qu'il a vu ce que Allah a préparé pour Adam, et sa descendance, et les pieux parmi sa descendance, alors, il voit cela et il dit « Ya leitani kuntu turaba, si seulement je n'étais que de la terre. » فَلِنَتَأَمَّلْ جَمِيعًا فِمَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ. Alors, méditons tous sur ce qu'il y a dans cette sourate comme science bénéfique. Corrigeons nos erreurs et allons de l'avant. Avançons, préparons-nous pour ce jour. Et on continue la semaine prochaine, inshallah ta'ala, le tafsir. Excusez-moi donc aujourd'hui si j'ai fait un peu plus long que d'habitude. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.